Vainqueur à Crécy, Édouard III d'Angleterre met le siège devant Calais. Philippe VI tente en vain de dégager la place. Après une courageuse résistance de 11 mois, les assiégés sont réduits à parlementer. Le roi d'Angleterre fait connaître ses conditions au gouverneur de Calais, Jean de Vianne. Il épargnera la ville à condition que les 6 principaux bourgeois lui apportent les clés de la place, en chemise, la corde au cou, ce qui laisse prévoir que, non content de leur imposer cette humiliation, il les fera mettre à mort. C'était en 1347.